À l'occasion du 5e anniversaire du décès du général Kim Jong-il, ont eu lieu des séminaires sur ses exploits et expositions de livres et de photos au Congo démocratique, en Italie et au Népal. Dans les salles de cérémonie étaient exposés les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il. Y étaient exhibées également les photos sur leur noble vie révolutionnaire et leurs exploits, les livres et photos présentant l'armée et le peuple coréen qui s'efforcent pour opérer l'apogée de l'édification d'une puissance socialiste sous la direction du maréchal Kim Jong-un. Y ont participé les personnalités des partis politiques et organisations comme le Parti communiste du Congo démocratique, l'Association des citoyens du milieu ouvrier du Congo démocratique, le Parti communiste d'Italie, le Comité d'études des études justes d'Italie, le Parti communiste népalais marxiste-léniniste et l'Association des journalistes népalais, ainsi que les habitants des pays hôtes. Lors de la cérémonie déroulée au Congo démocratique, est adopté un message à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.